and used music from around the world and is now offering cash for used records in excellent condition. Open during construction at 2000 4th Avenue South in Minneapolis and anytime online at efetus.com. The Minnesota Spokesman Recorder is looking to add self-motivated, energetic sales reps to our current dynamic sales team. We're looking for experienced self-starters who can bring in a client base or add to our extensive database. Excellent communication, computer word processing skills, the ability to network and work directly with the public are very important skills to have to be part of our team. Please send all inquiries to twilliams@spokesman-recorder.com or admin@spokesman-recorder.com. Attention, sales department. KFAI is a sponsor of the 39th Annual Battle of the Jug Bands, a three-day event kicking off Friday, February 8th at the 331 Club. The fun begins at 10 p.m. with a special midnight jug band battle. The battle continues on Saturday with the Pancake League starting things off at noon at the Minnesota Music Cafe, and on Sunday, the Waffle League brings it home from noon to 8 p.m. at the Caboose. The three-day 39th Annual Battle of the Jug Bands, February 8th, 9th, and 10th. You have been listening to Right On Radio. I'm Anna Gergen, and I'd like to thank our guests tonight. Don't forget to tune in next week to hear our new interviews, and we will have another great show lined up for you. And I'm Josh Weber. You're listening to KFAI Fresh Air Community Radio, 90.3 FM Minneapolis, and eventually 106.7 in St. Paul again, and on the web at kfai.org. Now stay tuned for Bonjour, Minnesota. Thank you. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming online at kfai.org, the program you're listening to. Bonjour, Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3, à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, Bonjour Minnesota, vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, c'est Frédéric. Romain et Adrien ne sont pas là. Et puis, I was able to make my way through the snow after work. So I decided not to go home. So I went straight from work to the studio with a little stop by to get some food. But otherwise, I think I would have spent more time in traffic than anything else. So that's right. So tonight is the first day of February, the first show of February for Bonjour Minnesota. And this month is Black History Month, and we decided to celebrate any artist of color. And so tonight is going to be mainly artists of colors, except maybe for one song, because my friend TJ asked me for Edith Piaf. So, but it's about an African man who's being, you know, abducted and on the boat and had a poor trip and a poor life. So it's still on the topic. Next week we'll have a special Valentine's Day, and the week after that will be really on Monday. KFA has a special for Black History Month, and so the following Tuesday we'll have a special for Black History Month, not only by playing, you know, artists of colors, but also playing mostly like playing songs about slaveries or colonies. And as you guys might know, France have been a big part of the colonization, especially in Africa and other parts of the world. So we'll touch on the subject. But now we're going to start with two songs from Amadou and Mariam, who are originally from Mali. And we were very fortunate to be able to see them at the Cedar Cultural Center in the Twin Cities this year, in 2018 and the year before. So the first song is called Sans Toi, which means without you. And it's a love song. And the second song is Politique à Magni. And it's more about politique in Africa, saying what they like and what they don't. And, you know, talking about corruption and they don't want any liars, and we know about it because, hey, this is the SOTUS tonight. So if you're not listening to the President of the United States talking, you can listen to us, and we'll have some nice songs. And I have to specify that it's always the President of the United States, because I have dual citizenship, so I have two presidents, and yeah. That's when we're alive. All right. On y va avec Amadou and Mariam, Sans Toi, and then Politique à Magni. And follow us on KFAI playlist on Twitter, and I'm going to enter the songs as they play. Thank you. Les exactions, nous n'en voulons pas. jouer son petit rôle. Si tout le monde jouait son petit rôle. Nous voulons du bonheur. Du bonheur pour tout le monde. Nous voulons la paix. La paix pour tout le monde. Politicien moyen, la mer, aïe, la mer, aïe, la mer. Politicien moyen, la mer, aïe, la mer, aïe, la mer. Quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball, un grand long ball, quand we have a ball, quand we have a ball, quand we have a ball. Et voilà, c'était Amadou El Mariam. The last song was Politique à Magny from their album Dimanche à Bamako. And the one before was Sans Toi or Without You from their album release for Lila. Two great songs. They don't want liars, demagogy. They want everybody to play their part. So that was the last song. Now we're going to listen to an artist that I really like. His name is Tete. And he just came out with a new album. It's called Fautantique. Instead of being authentic, it's Fautantique, like fake. And the first song we're going to listen to is King Simili. And the second song we're going to listen to is Tout doit disparaître. Everything needs to go. It's more like a reference to the sales. And sales in France are very regulated. You cannot have sales anytime, anyone. There's like time of the year where you can, and you can after that it's you have to fiddle with the law. It's different names, different things, but it's not sales. And then we're gonna listen to the last song we're gonna listen on this series from Tete is gonna be Weekend Sans Wi-Fi, or Weekend Without Wi-Fi. And we're gonna get going. On y va avec Tete. Je me souviens, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, usurpée, faire semblant, étrange éclipse, où l'idée du fautantique l'emporte en pratique sur l'œuvre. Tu confesses une vie faite de relectures diverses, l'imposture te disperse, tu simules à crédit, mentir, oui, mais broder c'est bien mieux. La pluie n'y voit que du feu. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en as des tonnes, des captivantes à souhait, ou pas, mais ça m'étonne. Spécimen, toi, tes papiers en attestent, tout y est faux comme le reste. Contrefaire ta nature, jamais tu ne t'y résous. Renier ta signature serait indigne de nous. Ta fabule, oui, mais toujours à dessein, hein, c'est pratique de c'est ça ou rien. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Un cercueil en carton avec plaque en plastique où serait écrit faites attention. King Simili, je falsifie La modestie, le doute, l'intelligence, le talent, simili, je mime les cimes, comme autant des faussaires de génie. King simili, timitimim, la modestie, le doute, l'intelligence, le talent, simili, tu falsifies, la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Mais si je cède en conclusion les vraies raisons de ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai. Je suis simili, je vous l'avais dit. Je suis simili. Here to tell you about another KFAI.org web-exclusive show, the one I'm hosting. It's called The Dollar Bin. It's a bunch of cheap stuff I've found here and there, everywhere, all at a dollar or less, and I want to share it with you. It's artists you probably heard of, but songs you may not have. And all it costs you is an hour of your precious time. Head over to KFAI.org, find the show list, and scroll down to D for Dollar Bin. I'll meet you right over there. Solde. Ce soir le monde est en solde. J'ai compté mes points, je suis gold. Tout doit disparaître. L'ordre. Faux slogan, vaine banderole. L'océan qu'on immole. Tout doit disparaître. Des stockages imminents. Nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Pouvoir d'achat en baisse. Nos impasses en attestent. Tout doit disparaître. Solde. Obsolescence prévue. Grand frère nous a bien. Des stockages imminents. Nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Au prix où sont les roses, autant se dire les choses. Souvent quand c'est gratuit, cherche pas ces toiles produits. Les galeries, la faillite. T'as capté la manip. Oh, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Des stockages imminents. Nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Des stockages imminents. Nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. J'ai 152 amis sur les réseaux. J'y déroule l'envers de ma vie sous un pseudo. Plat du jour, deuil, autoportrait, vue sur cours, orgueils et regrets. Je ne me connais qu'un interdit, un triste répit. Le week-end sans wifi, na na na na na na. Week-end sans wifi, sans ma clique, mes cœurs en couleur, des profils pour dire la douleur d'un supplice qui n'expire jamais sous le cyprès d'un week-end sans wifi. De bien là, j'ai été admis incognito dans un centre addictologique d'un genre nouveau. Depuis je ne me reconnais plus, me voici enfin revenu. Ce délice qui n'agit qu'après, dans le secret, d'un week-end sans wifi. Na na na na na na. Week-end sans wifi. J'ai le cœur qui part en spirale. Mon docteur m'a dit c'est viral. Je n'aime pas ce côté mon dièse, mais ça m'apaise. Week-end sans wifi. La, la, la, la, la. Chant du cygne, version virtuelle. Je veux mieux, n'ai plus de séquelles. J'ai les codes, l'aimes-tu la chanson? La fibre maison. The week-end sans wifi. Vertige qui s'ensuit. Week-end sans wifi. Sans wifi, la la la la la la. Weekend sans wifi, na na na na na na. Weekend sans wifi, na na na na na na. Et voilà, on est revenu. Donc on a entendu Tété avec trois morceaux, trois chansons. La dernière qu'on a entendue, c'était le Weekend sans Wi-Fi, Weekend without Wi-Fi. And then before that, it was Tout doit disparaître, Everything must go. And then before that, it was King Simili, which is the main single of his new album, which is called Faute Antique. All right, just a little bit about Tété, because we are celebrating Black History Month. He was born in Dakar, Senegal. He's 43. And his mom is from Martinique and his dad from Senegal. So, and he's described a little bit as Jeff Buckley, but it's described as intimate, solo, classical guitar music style. I mean, it's kind of troubadour and it's very nice. I mean, all of his albums are very kind of light and even if they talk about things that are not as light. So now the artist we're going to listen to is Henri Salvador. And Henri Salvador was born in French Guiana and from a dad who was from the Caribbean. And yeah, so we're going to, the first song is going to be Saint-Germain-des-Prés, which is a neighborhood in Paris. And there's also a church and a metro stop. And after that, it's going to be Maladie d'amour, or like, I don't know, disease of love. Like when we love sick, not we really love sick, more the other way around. We are not sick of love. That's not true. It's more like we're so much in love that it becomes a ailment. I mean, it's like it's become tough on us. All right, on y va. Thank you. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et tous les soirs j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé et pour courir le Guilledou près de la Seine, souvent l'on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. C'est belle, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs timblèmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves quand même. Ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, vous qui passez rue d'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y songer, salut en l'air, à Saint-Germain-des-Prés. Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si moi mais moi, ou à m'acheter moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si moi mais moi, ou à m'acheter moi. Pich mimi piti, i piti tout piti, si un petit sept pangage, mes amis mes fieli, quand il t'est lié en l'air. Veuillez garder l'angli, en bout de lui c'est l'amour, c'est mitié rembatté, en bout de lui c'est l'amour, c'est mitié rembatté. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux, cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, cherchez sur moi mais moi, ou à marcher derrière moi. Pich, pich, pich, pich, pich. Et petit tout petit, si un petit sept pangrache, mes amis méfiez-les. Quand ils t'êtes mis en l'air, veuillez garder l'angli. En bout de lui c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lui c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lui c'est l'amour, c'est mitié en bataille. En bout de lui c'est submissions are now being accepted for the KFAI Spring Record Sale. We're seeking donations of good quality vinyl, tapes, CDs, 8-tracks, Edison cylinders. If it plays music, we'll put it in the sale. Contact the station at 612-341-3144 or by email at sales@kfai.org to arrange your tax-deductible donation of music for the KFAI Spring Record Sale. Amore, vieni ballare adesso. Vieni, vieni, vieni. Je sais, je sais. I love you. Carino. Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépé, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie. Des guili-guili, Bugatti. Des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y'a de la rumba. Smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Fermez les yeux des grandes filles bleu marine, tout à Langui pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresse du matin. Chagrin. Y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Et voilà, I decided to let it go a little bit longer because we had two songs of Henri Salvador, and that was great. But I decided that, hey, why not Alain Souchon? So we heard, the last song we heard was Alain Souchon avec Y'a de la rumba dans l'air. Alain Souchon is also an artist who is like now, you know, 74, kind of my dad's generation. He was born in Morocco, but didn't really live there. His mom was French-Swiss and grew up kind of in London, in England, and then went back to France. And he collaborated a lot with Laurent Voulzy. And he's still up and going. I mean, he won some Victoire de la Musique, and he had some very famous song like J'ai 10 ans, you know, Jamais content, Never happy. Well, we'll play him a little bit more often because he was a big fixture in the 80s, and he still is a big fixture. He's very popular. Back to Henri Salvador, who played before that. Henri Salvador was playing Saint-Germain-des-Prés, which is different from the classic song that we know about Saint-Germain-des-Prés, but talks a lot about poets that he was hanging out with, Apollinaire and some others that, you know, were kind of broke, but very good company. He's also known to have recorded a French rock and roll song

d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Tout simplement, permet pour cause un sentiment différent. Reviendrait peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Tout simplement, permet pour cause un sentiment différent. Tout simplement, dans mon cœur, dans ma tête, changer tout vraiment. Curieusement, les aiguilles tournent, mais ce ne sont pas celles. Du temps qui passe, presque en silence, quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Oh, tout simplement, fermé pour cause de sentiments différents. Reviendrait peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Change tout vraiment. Sur la pointe du cœur, tourner la page. Tout simplement, choisir un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à apprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, reviendrait peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Tout simplement, fermez vos portes des sentiments différents. Tout simplement, fermez vos portes infantiles. Dans son cœur, dans sa tête. This is JSC the Navigator. And I'm Brett Buckner, the Don Data. Tune in Monday evening starting February 11th to Beats, Rhymes, and Democracy. The show where we take a deeper look at what's going on with the hip-hop culture. Local, state, and national politics. And, of course, world affairs. Coming to you live and direct from Fresh Air Community Radio. KFAI 90.3 FM in Minneapolis. And St. Paul. Radio without boundaries. Tune in, y'all. Et voilà, so we did listen to Bibi avec Tout Doucement. It was one single hit that was pretty nice. And before that, it was Le Voyage du Pauvre Nègre, from Le Grand Voyage du Pauvre Nègre, from Edith Piaf. That was from 1937, and pretty interesting song. And very kind of sad, and, you know, very of the time, too. All right, now we're going to change gear a little bit before the 9 o'clock mark. It's, it's 8:52 and it's cold out and snowy. So if you're home, you know, stay cozy. If you're not and in your car, well, I hope that you guys enjoy the show. And, you know, if you're stuck, you're stuck. I think traffic must be better by now. Anyway, it was very bad before. Now we're going to listen to Ben, L'Oncle Soul. We listened to him a little bit last week, and I think we don't play him enough. And so it's Black History Month. We're putting ahead artists of colors. And the first song is going to be Être un homme comme vous, being a man like you. And then we're going to listen toujours from Ben, L'Oncle Soul, A coup de rêve. It's hard to translate. It's like, you know, like kind of slamming your dream, like hammering your dream, like you really work hard on it. And then a very uplifting song from Alliance Ethnique from the 90s, Simple et Funky. All right, I'll have more info about these artists after the songs. Now let's play the music. Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, Poupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. Quand d'autres tombent sous les coups, si tu lis l'indifférence,

Personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands. Grand. Pour ce genre, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, go, go, go, go, zéro. Gigolo, zigoto, rigolo, n'amour zéro. Ne mérite aucune estime, il ne mérite que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau? Doublons la dose, c'est chaud. Le cerveau s'abîme de stéréo. Les cordes vocales au déligo, les flots, les mots. Les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple, funky, simple, funky. Simple, funky, let's keep funky. L'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Maze, aux adeptes de combat. Et ceux pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet. Car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus que serein. Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malsain. Tous les matins au champ du soin, soin. Le remerciement va le soi. C'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça. Muchas gracias, merci et grâce. La loi de mon cul, c'est dans le cul. Mais l'esprit de mauvais cul, où est l'utilité de prêter attention à de tels individus? Vous le savez où? Vous l'avez su? Vous le savez où? Vous l'avez su? De tout et de tirer profit de telle expérience. Et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le fruit de tes semences. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky. Zao funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Pas défini par les gènes, on peut l'emprisonner dans une cage où l'entrave est de chaîne. Nos chemins ne sont pas forcément tracés dans la peine. Il peut jaillir dans le creux de main qui se cherche, ou d'un être cher quand on lit je t'aime sur ses lèvres. Dans ces moments si importants dans le cours d'une vie, quand tout le monde frappe des mains, chante sa joie sur le rythme. Parfois on croise des sourires, parfois de la défiance. On songe au bon moment après qu'on crie plus qu'on ne pense. Un jour c'est l'éclat, un jour ce sont les pleurs. Le bonheur ne vient pas seul et peut effacer les peurs. Révéler le beau dans le chaos, la force où on n'attendait pas. Nous ici hors du trou alors que rien ne va. Minimiser un échec qu'on pense être géant. Stopper de haïr les gens qui nous sont différents. La communion d'un peuple qui célèbre une victoire. Contaminée d'état de cœur, traversé par l'espoir. Il vient à la vitesse d'une course folle à travers champs. Demain, non. On le vit maintenant. Rien ne tombera des cieux, pourquoi attendre? Des temps souriants, on doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas loupé dans la chance. Il se gagne, il se prend, il faut le choisir maintenant. 1 plus 1 est de nous, il est né. Sa force au fond du cœur s'est doucement élevée. On m'avait prédit le mal et j'ai défié les courbes. J'ai achevé mes cours, puis dévié ma course. Compris que le bonheur en fait c'est juste vivre. Faire ce qu'on désire, simplement être libre. Alors réaliser tous ces rêves dans nos têtes. Sinon à deux pas de nous, la haine et l'amertume guettent. On peut rester assis à ressasser l'échec. Encore penser que les heureux sont tous ceux qui possèdent. Le livre de mes songes à mille pages, à mes plans. Ce que je veux, c'est vivre maintenant. Rien ne tombera des cieux, pourquoi attendre? Des temps souriants, on doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas loupé dans la chance. Il se gagne, il se prend, il faut le choisir maintenant. Le choisir maintenant. Rien ne tombera des cieux, pourquoi attendre? Des temps souriants, on doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas loupé dans la chance. Il se prend, il faut le choisir maintenant. Rien ne tombera des cieux, pourquoi attendre? Des temps souriants, on doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas loupé dans la chance. Il se gagne, il se prend, il faut le choisir maintenant. Et voilà, on est revenu, je suis revenu. I'm so used to have people in the studio. other people like, you know, Adrien, Romain, that often it's like, hey, we're back. No, I am back. Even though, like, every week I make the joke, you know, we are not really going anywhere. Anyway, let's talk about music. And what did we listen? So I didn't pre-announce the last song. It was Akhenaten, or Akhenaten. He was the lead, one of the lead singer of the rap band called I Am, based from Marseille, and also producer and things like that. And the song was called Vivre Maintenant, Live Now. Before that, it was Alliance Ethnique with a Simply Funky. Very catchy songs, you know, that was early 90s, and for rap music, at the time it was pretty rare to have like some breakthrough that was like kind of mainstream. So that was one of them. And before that it was Ben L'Oncle Soul avec A Coup de Rêve and Être un homme comme vous. Voilà. So still not talking, but celebrating artists of colors through Black History Month. In France, we had colonies, so it's not only about, you know, black people. And the variety is so great. I mean, there is Africa, but there is also the Antiguas, and with Martinique and Guadeloupe and La Réunion, which is even like Madagascar, the Indochine. So, the only good thing about it that came out of it now is that we can celebrate music and French music this way and celebrate these artists. So now we're gonna listen to MC Solar, which is well known in the US, especially with his first albums. These ones are not as known. We're first gonna listen to a song called Zoom. And it was on a soundtrack called Addicted to Love, but it's also in one of his albums. Then we're going to listen to Exasote, mean like make it jump, literally, but it's more like make it go, you know, like make it move. And then we're going to listen to Inshallah. And those are going to be three songs by MC Solar. On y va? Babe, you better quit. Jambes slow, sans faire de scolastique. Yo-yo pour un clip, le pied dans l'élastique. Une technique du reg, quand le bed exerce leg. À mon collègue leg, le beat du plaid. Les aigus tuent, demande à Brandon Lee. Les basses bas prient, abandonnez Lee. Pour être objectif, on atteint l'objectif. On scrute texte et mix au téléobjectif. Gel, flow, relax sur le wax, fax, enfin tac. J'habille les tracks dans l'axe des peintres de sax. Pax Romana, grâce au son graphique. Musicologique, révélateur photographique. C'est le concave, convexe, sans se fouler. J'ai déversé le premier verset, percé. Et le mur du son, bercé par Kalsoum. Danse, le beat tourne, je représente le zoom. L'action anti-blabla, cocktail explosif, j'exécute l'attentat. Coach musical, verbal, coup d'état. Parfois je revendique et sponsorise l'omerta. Je cours dans la ville, le mic dans la main droite. Je rappe la bague de track, discrètement je me sac. Je dois placer mon phasé dans les points stratégiques. Tel un pain de plastique à l'endroit névralgique. Puis le son pète dans les discothèques. Des placations de texte dans les bibliothèques. Terroriste drag queen, dangereux comme Moon. Sismique tel la rune, je représente le zoom. Le Nippon mes particules m'inspirent des libellules pour changer la pellicule. Je suis un Leica inversé pour gaucher. Autoportrait sacré, on m'a canonisé. J'ai gâché des péloches, avenue Foch, c'est moche. Loupé le coche de mioche sur une roche, les mains dans les poches. Pyrrhoné mes rotules, outre-Atlantique. Clic, clac, ils parlent d'un son photogénique. Différent du reste, ancré dans ma contrée. Afro, parigo, dégagé des clichés. Car si le mi-marceau dans la boum, c'est clown. Le beat tourne, je représente le zoom. Le zoom. J'ai fait des études et puis j'ai passé des diplômes et puis j'ai passé des concours. Je suis un homme déjà plus môme. J'ai grimpé doucement les échelons de l'entreprise et puis j'ai monté ma structure. Je vois enfin ma terre promise. Il a fallu que j'aille vers plus de productivité, aller chercher d'autres marchés pour ma petite activité. Je ne compte plus mes heures, je retrousse mes manches. Je suis même contre l'ouverture des églises le dimanche. Mais victime de dumping, concurrence made in China. CJ, ma petite fabrique de trampoline. Maintenant je me rends compte que j'aurais pu ouvrir les yeux, trouver du temps, de la lumière comme Sainte Thérèse à Lisieux. Donne de ton temps, de ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. De ton temps, de ta vie, pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Et libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. C'est une consultante qui a rencontré un peintre et elle lui slame dans l'oreille des histoires de luxe et d'absinthe. Il avait le teint leste et ne peignait que des pastels. Elle lui impose le stabilo, le déjà vu, le faux soleil. Sa cote monte en flèche, elle a séduit les publicistes et il est là comme un bilingue qui ne parle plus d'art mais de chiffres. Le pinceau se rebelle, la création dirige. Sur terre le temps s'arrête, au ciel les étoiles se figent. Savez-vous que la lune influe sur les marées, créant un tremblement d'âme qui l'a touchée, qui l'a sauvée. Maintenant elle se rend compte qu'elle aurait pu ouvrir les yeux, trouver du temps, de la lumière comme Sainte Thérèse à Lisieux. Donne de ton temps, de ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. De ton temps, de ta vie pour toi, pour tes amis. N'oublie pas de le faire tête haute. Et libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. Enfin ensuite une voix, j'ai pris le maquis. Je me sentais un peu compressé dans le paquet de plaquis. Donc j'ai pris le trait kaki comme les tamous, les paquis. Et j'ai vu la vie des hommes, oui la vie des hommes est acquis. Pause, j'ai fait l'armée dans des chars à voile. Y avait bombes et des femmes à poil. Faute tout pas faute, faux, garder tête haute, faux. Vivre avant la dame à la faute. et que ça. Réception d'une fille qui voulait changer de décor. Au départ il fait la tête de mort, mais il est tout excité dès qu'il a aperçu son corps. Puis c'est lèche-vitrine, shopping à belle épine. Il a de l'eau sous les bras chaque fois qu'elle appelle le darling. Belle, elle est belle et bonne, elle est telle, il appelle la belle. Bellissima, belladonna, sa mama la nomadonna. Puis dans le living room, il veut faire boum boum. Sa copine arrive, ses yeux sont balles, doum doum. Il bébé gégaye, dit bébé, je sais pas qui c'est. Un menteur n'est jamais cru même quand il dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, dis-moi qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, dis-moi qu'est-ce qu'elle a fait. Quoi, tu sais pas? Non, je sais pas. Eh bien c'est simple, elle a chanté ça. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, inchallah. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, écoute ça. Deuxième histoire, ça se passe le soir. Métro Liberté, regarde sur le trottoir. Le gars voit la nana sur la tête, elle a le bandana que portaient les portoricains durant l'été 83. Que fais-tu dans la vie? Elle répond, je suis call girl. Collecte les euros avec ma belle gueule. Je suis là pour les minés qui veulent pas rester seuls. C'est ainsi que je vis dans cette urban jungle. Il dit, j'ai pas de cash, mais quitte ton taf. J'adore tes yeux, il faut que tu fasses gaffe. Donne-moi ta main que je te mène à la mairie. Quand tu diras oui des amis, j'ai ton rôle. La pin-up se lève, parle de façon rêve. Au mec crie, je rêve et se remet du rouge à lèvres. Je serai heureuse de vivre avec toi, parce que tu m'aimes et la vie c'est ça. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, inchallah. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, écoute ça. Quand je regarde ce qui se passe autour, je vois que la haine s'en va quand vient l'amour. Je souhaite que la guerre laisse place à la paix et que les pacifistes prennent la place des guerriers. Qu'on balance de l'amour dans les états-majors, que l'on interdise la loi du plus fort. Tribunal pénal pour les sectaires, parce que fils de Dieu le Père, nous sommes tous frères. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, inchallah. Comme on le dit là-bas, bébé, inchallah. En jean, en short ou en djellaba. Comme on le dit là-bas, bébé, inchallah. Et voilà. You're still listening to KFAI. Bonjour Minnesota on KFA Radio, and it was MC Solar. MC Solar, which is a French rapper, Claude MC, Mbarali, and he was of Senegalese and Chadian origin, and he's one of the most influential rapper. So, done lots of good things. All right, we're going to listen to more music, but before that, we're going to talk about the events in our Twin Cities, which I typically do closer to 9 o'clock, but I was so excited about the MC Solar series that I was like, oh, let's go, let's play it. So, this coming Thursday, unveiling of the new FACCMN website and business services. So, it is Thursday from 6 to 8 p.m. And what I was saying about the FACCMN is the French-American Chamber of Commerce of the Minnesota chapter. It's on 906 Avenue Southeast in Minneapolis. If you go on our Facebook page, their event is connected to ours. So go to the Bonjour Minnesota Facebook page and you'll find it. And you can get tickets. There's a fee for non-members, and no fee for the members. And yeah, there's more explanation about what it is, but it seems like they are boosting it in order to make things easier for people who want to do business between France and the US. Then on February 9th, this is Saturday, from 5 to 6:30, and it's pour les jeunes, and les jeunes is like short for the youth, and it's with the Alliance Française of Minneapolis-Saint-Paul. They are organizing an event called Let's Dance. So it's going to be at the Carroll Center for Dance and Performing Art, 528 Hennepin Avenue. And so you have to RSVP if you want to go. And especially, I mean, it's for teenagers. And you have to RSVP before noon on Friday, February 8th. And it's Anne Sophie, A-N-N-E-S-O-P-H-I-E, at AFMSP.org. You can also find more specific on the event about AFMSP.org. They say that, this February, Legend will take a dance class with Brenna. You might know Brenna from the reception at AFMSP, but did you know that she's also a professional dancer? She will share her love for dance by introducing us to modern dance on Saturday, February 9th. All right. And for the teens by themselves, there is no fee. Next. Yay! Everybody's excited because it's going to be the Champions League of soccer. Champions League, Manchester United versus Paris Saint-Germain. Tuesday, 2 o'clock Central. I created an event on Facebook because I'm probably going to go. I took the day off. But find out that my boss snuck in a meeting with someone important, so I may not be able to stay all the way. Anyway, there's still two games. This is the away game for Paris because it's going to be in Manchester. And there's going to be the home game at Parc des Princes sometime in March. But so if I can go, I will go to Britpub, but it also plays in like the main places of plays soccer. So the local, the nomad, all these places probably can play the game. All right. And last but not least, on February 13th, book club, Marianne Porteplante, the Fatou Diome. It's Wednesday, February 13th, from 7 to 8 p.m. at the Alliance Française. It's part of the book club. Marie-Jeanne, the instructor, will lead the book club for the second Wednesday of every month. And they talk about that specific book on the Facebook event. It seems that the address is still at the current or old Alliance Française location at 113 North First Street. More details at afmsp.org. And they are saying it will be the last meeting actually on, in the old Alliance Française. In February, we'll be meeting at the Alliance new home at the Jolie Family Center for International Understanding, located at 227 Colfax Avenue North. I haven't gone yet. I missed my chance to go to the Petit Déj this month because I woke up too late. But I will go next month, and I think there's going to be an upcoming aperitif, for the new location as well. So that's going to be nice. Real quick for what's upcoming, there's also on February 16th, French Canadian and Métis Heritage at the Shoreview Library. Don't forget that Angelique Jo remain light at the Cedar. She'll be there on the 19th. It's a Tuesday. If really you want to skip Bonjour Minnesota to go see Angelique Jo, we understand. Just keep in mind that the show is recorded and it's up on the website for 2 weeks. So it's not a bad deal. So you have my permission. Cedar Cultural Center in Minneapolis. And there's some cine club and GDC aperitif and music under glass with the... The New Riverside Ramblers. Duh. I know them. I went to see them like several times. And they are fantastic. If you like Cajun, and that's really great. All right, we're going to play more music because you're probably tired of listening to me. We'll also have a radio announcement. Just a quick word for the upcoming artist. It's going to be Black M avec Dress Code. si I said it in French, dress code. And tout se passe après minuit. Still from Black M. Everything's happening after midnight. This song is kind of funny. So, you know, he sings and right in the middle, it's like there's a neighbor knocking on the door and saying, like, what the heck? What's this mess? I can't sleep. I wake up early. So it's, if you hear something like that, don't be surprised. It's part of the song. And then we're going to listen to a song that I really like from Indila. It's called Dernière Danse. All right. On y va. Je veux qu'on m'escorte. Je suis fulgurant. Autour y'a que des figurants. Akatsuki sur le teko. T'as qu'à être choqué, tu restes la déco. Tout dans la démarche. La capitale me téma. Hey yo, l'ami, s'enlève tes mains. On dit que les blancs ne savent pas danser. Les renois sont des boucantiers. Et toi, tu vas rentrer à pied. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Dress code, ou quand je veux qu'on m'escorte. Tout le temps, envoie, envoie, on attend de fatigue. Full camp, dress code, ou quand je veux qu'on m'escorte. Tout le temps, envoie, envoie, on attend de fatigue. Full camp, 3, 2, 1, je. Bébé, m'appelle pas, je suis de sortie. J'ai garé le gamos, donc le gamos est garé, égaré. Ils le sont, fuck les donneurs de leçons. J'ai le sang et le sang chaud à cette heure. Si tu bois pas faire grand chose, ça t'éma, on t'éma, c'est dommage. On t'aimait sans respect, on démarre et c'est comme ça. On dit que les blancs ne savent pas danser. Les renois sont des boucantiers. Et toi tu vas rentrer à pied. J'ai vu une Disney, arrête mon téma. Elle m'a dit y'a Katovina. Ah ouais. Mais tu me connais, je suis trop coulouna. Trop de pour danser la Macarena. Je vois un dombolo, le coupé décalé. Y'a même des cougars comme Madonna. Même un cagoulé, je me fais pas recaler. Si tu penses que t'es solide, je vais tomber comme le mur de Berlin. Je me retiens fortement de traiter la grand-mère à guerre. Qui t'a dit que les blancs savaient pas danser? Même si c'est le cas, ça reste anodin. Avec ma couleur de peau, sans me connaître, je reste sûrement chanté à Verdun. R.A.S. On dit que les blancs ne savent pas danser. Les renois sont des boucantiers. Et toi tu vas rentrer à pied. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Dress code, ou quand je veux qu'on m'escorte. We would love to meet you at our next KFAI New Volunteer Orientation, held on the first Thursday of every month at 6:30 p.m., 1808 Riverside Avenue on the West Bank in Minneapolis. For over 40 years, KFAI has made radio accessible by offering those with an interest in media the opportunity to learn on-air board operating and editing, FCC guidelines, and DJ skills. Join us by volunteering your time at KFAI and let radio and new digital media become a part of who you are. Please sign up online at kfai.org/volunteer today. We hope to see you there. Copine,

Our volunteer-powered programming provides an essential platform for individuals looking beyond the scope of mainstream media to build strong communities through education, entertainment, and democracy. If those qualities sound like you or your business, contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to start building a better tomorrow with Fresh Air Community Radio. The deadline for Black History Month programming application has been extended to Wednesday, February 6th. KFAI will air a full 24 hours of Black History Month programming created by you and other members of the Twin Cities community on Monday, February 18th. No radio experience necessary. We will train you and help you to present your hour-long idea on air. Applications are being accepted online at tinyurl.com/2019BHM. That's 2019BHM. Et voilà. And if you didn't catch up all of this and you want to call, just call the studio at KFA, the studio, call KFAI during business hours, and I'm sure you'll find someone to help you. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. It's not snowing anymore, but it's still pretty packed and slippery, so please be careful. I'm going until 10 o'clock. This is Frederick, or Fred, le Titi d'Al. Why le Titi d'Al is because Titi Parisien, like the way little kids in Paris were nicknamed, especially outside of Paris. I had some family in the country, and they were calling me le Titi when I was a kid. And Léal is the neighborhood I'm coming from. So we just listened to Indila with Dernière Danse, which is excellent. And the video clip is really fantastic. So feel free to go on YouTube and check it out. The visual is great. She's originally from Paris, but she has various, she said that she's from Algerian, Egyptian, and Indian and Cambodian descent. And she took her Indila name because of her love for India. And then before that, it was Black M. And Black M, we did listen to Tout se passe après minuit. Everything's happening after midnight, so big party and stuff. And then Dress Code, still from Black M. And Black M is from Paris as well, from the 13th arrondissement. And, by Place d'Italie. And, that's pretty cool. And just before, I was talking about MC Solar and saying MC Solar is from various origin, you know, Senegalese and Chadian. But he grew up in the Paris suburb in Saint-Denis, the 93, and not very far. And that's mostly where it's from. All right, so now we're going to listen to several songs. Maître Gims avec Brise, Brise, I'm not sure. If it's a Brise, it's like broken. And then David Martial avec Célimène. So this song is dedicated to Melissa because I took a picture today of the skyway with like the snow and, you know, saying that, you know, I was ready to go in the studio tonight. And she said, like, please play something that's going to be warm and tropical or things like that from the south. And I already had planned to play Célimène. And David Martial is from the either Martinique or Guadeloupe, I can't remember, but it's Zouk, and it always brings sun to the to the room when people dance with this. And after that, we're going to listen to Terry Moïse, which was a big crush of me. Not the singer, but the song. I mean, like, I had the song Les Poèmes de Michel was really, I loved it. It was just such a great song. So here's three more songs, and then after that, I'll come back to chat a little bit more. J'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore.

Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. This is Frederick with on Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and we only have like maybe 5 more minutes, so I don't know exactly how many songs we're gonna be able to play. But I wanted to say goodnight. Still, if you're in Minnesota, stay safe. Lots of snow. It's slippery. It's cold. The windshield is going down, and and we'll be back next week. I mean, more songs. Next week is a special Valentine's Day because it's two days before Valentine's Day. We are likely to have another guest also. It's not confirmed, but I know one of these days, if it's not next week, it'll be the week after, we're going to have Odile from the French-American Chamber of Commerce. She's making the presentation on their new website, which is going to help a lot the relations in between French business and American business, and especially in the Twin Cities. I mean, that's the other Minnesota chapter. And if she's not here next week, she'll be here another week, but we'll have her, and the music will be Valentine's. The week after that, it's going to be on the Monday, it's going to be the 24 hours of Black History Month celebration. So on Tuesday, we'll do our own celebration, and there's going to be, even though tonight it was mostly artists of colors playing, the songs on the 18th will mainly be about, you know, the theme will be like slavery or colonies or things like that. I mean, like a little bit more politic and to celebrate the colonies and all the people from the colonies. Also, the Alliance Française every March is celebrating a francophone country, and this year it's going to be Morocco. So that should be also very great. So it's going to be in March, and they are going to have special events. And we also, of course, going to be doing some celebration and find some French-speaking artists from Morocco and play them. All right. Well, you have a good night. You take care. Be careful. Listen to us next week. If you have some friend who won't listen to the show, it's recorded and online at kfai.org for 2 weeks. Feel free to follow us on Bonjour Minnesota on Facebook, Instagram, and Twitter. We don't use Twitter and Instagram as much as we use Facebook, but I also post things that are like cultural, you know, even if it's not necessarily music. So, all right, we're going to listen to Petite Fleur, which is a French classic, but it's going to be interpreted by Angélique Kidjo, who's going to be in the Twin Cities on the 19th, I believe, but soon, at the Cedar Cultural Center. And then after that, we're going to listen to C'est pour moi, from Yannick Noah. Yannick Noah was a very famous tennis player who won the French Cup 1 year, which was one of the rare French players to win it. I mean, it had not happened for a very, very long time. And after that, he also dabbled into singing. So, all right, on y va avec Petite Fleur. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderais au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé.